j'ai au bout du fil Carole Jolin, président de l'Assemblée de la francophonie de l'Ontario. Bonjour, Carole. Bonjour, M. Lalonde. Je m'en ai dit, ça va bien ce matin. Ça va plus ou moins bien suite à cet énoncé économique-là. On se remet de l'onde de choc. On est déjà en train de regarder à l'avant, c'est-à-dire qu'on a des réunions, on a des rencontres pour déterminer quelle va être notre stratégie, quel va être notre plan de match pour les jours, les semaines à venir. Parce que c'est officiel qu'on ne laissera pas ça passer. On va travailler on va manifester notre désaccord face à cette décision-là. Et puis, à un certain point, on va mobiliser les francophones de l'Ontario et d'ailleurs pour nous donner un coup de main pour faire comprendre ce gouvernement-là qui a pris une décision qu'il ne fallait pas prendre. Ça a pris 6 mois à ce gouvernement-là pour faire en sorte que ils partent en guerre contre 600 000 franco-ontariens qui sont légalement des citoyens de l'Ontario, donc on doit avoir nos services. Exactement. Puis ce qui est fâchant dans tout ça, c'est que pendant la course à la chefferie, M. Ford avait manifesté son appui dans le projet de l'Université de l'Ontario français. Pendant la campagne électorale, il avait réitéré, quand il a été élu, il a réitéré son appui à ce projet-là. Et sa ministre des collèges et universités avait fait une déclaration à cet effet-là. Et la ministre déléguée aux affaires francophones le 25 septembre avait mentionné le projet de l'Université de l'Ontario français. Donc ça, c'est arrivé comme une totale surprise hier, que le projet n'a pas été suspendu, il a été aboli. Selon moi, une autre preuve de non-respect, c'est que la ministre, justement, déléguée aux affaires francophones, Caroline Maroney, elle n'est pas disponible cette semaine. Il y a une crise au niveau des citoyens qu'elle représente ou défend, et puis elle n'est pas là pour répondre aux questions. C'est officiel que je m'attendais de voir Mme Maroney là hier et de faire face à la musique, comme on dit. J'aurais aimé ça pouvoir avoir discuté avec elle avant parce qu'on n'a pas été prévenu. On n'avait aucune indication que ça en allait de cette direction-là. Mais souvent, ce qu'on a connu, c'est qu'on allait être approché pour nous dire un petit peu qu'est-ce qui s'en venait. Et puis on a eu aucun avertissement. D'ailleurs, si vous regardez par exemple le commissaire Boileau, on l'a averti 30 minutes avant l'énoncé que son commissariat était aboli puis que son poste était aboli. Donc, on a vu la façon de faire. Oui, prends tes boîtes, puis merci beaucoup. Moi c'est comme ça me fait penser. Ça me fait penser à la guerre contre Montfort. Et même, je ne sais pas si j'exagère un peu, mais c'est presque un retour au rapport de Durham. Bien, il y a beaucoup de gens qui font allusion à la bataille de Montfort parce que c'est véritablement la dernière grosse lutte qu'on a menée. Et puis, il y a beaucoup de parallèles à ce niveau-là. Et puis, il va falloir faire comme on a fait pour Montfort, qu'on se mobilise, puis qu'on proteste contre la décision. Et puis ça, c'est ce qu'on a l'intention de faire. C'est juste de savoir quand et comment on va le faire. Je sais que le ministre des Finances se défend en disant ça va aller au bureau de l'Ombudsman, Paul Dubé, qui fait sûrement une bonne job. Mais je pense que c'est vous ou quelqu'un d'autre, lors du Facebook Live de hashtag ONFR, qui disait que si on a une plainte, ça peut aller au milieu de la pile, à la fin de la pile, qui sait? Ce qui se passe à ce niveau-là, c'est qu'on, premièrement, le travail, le commissariat, comme il existait, il était totalement indépendant, très fonctionnel, développé une belle expertise, et puis fonctionnait uniquement pour les plaintes en français. Donc, toutes les plaintes en français étaient adressées là et dans des délais qui étaient raisonnables. Maintenant, pour tout le respect que j'ai pour M. Dubé, lui, il reçoit toutes les plaintes et puis doit les répartir et puis doit travailler avec son personnel. Maintenant, M. Boileau recevait uniquement les plaintes en français, puis son assiette était drôlement pleine, je peux vous le dire. Donc, d'ajouter ça sur la pile de M. Dubé, je pense que le service sera plus le même. Je pense que le service va être dilué. Même si on a assuré que le personnel du commissariat allait maintenant aller travailler à l'Ombudsman, le travail que M. Boileau faisait uniquement pour les francophones, mais M. Dubé le fait pour toute la province, puis on vient d'ajouter à sa tâche encore. Donc, de ça, j'ai beaucoup de crainte pour l'efficacité du travail qui va être fait au niveau des plaintes. Et puis, chaque fois qu'on a vu des services francophones qui ont été amalgamés avec des services anglophones, bon, on sait ce que ça donne, on n'a pas le service. Il y a un super beau texte que j'ai partagé sur la page de la radio de Denis Graton, du journal Le Droit, qui dit « Here we go again », donc la mobilisation SOS francophonie ontarienne, il faut que ça se fasse maintenant. C'est ce qu'on va planifier, on va regarder quelles sont nos options, comment il faut le faire. On a des rencontres dans les prochains jours, justement, pour déterminer ça. On a laissé hier, ça a permis, la journée d'hier, du moins la nuit, a permis aux gens de se remettre un peu de l'état de choc dans lequel ils étaient. Et puis maintenant, bien, c'est qu'est-ce qu'on va faire. Et puis, c'est certain qu'on va réagir. Il va y avoir une mobilisation, et non seulement de la francophonie ontarienne, mais on veut rejoindre les francophiles de l'Ontario et on veut rejoindre les francophones de partout au Canada parce que c'est toute la francophonie qui est attaquée. C'est pas juste la francophonie ontarienne. Si je prends par exemple les liens qu'on a avec nos collègues des autres provinces, avec la Fédération des communautés francophones et acadiennes, la FCFA est derrière nous et je sais qu'on va avoir l'appui de toutes les provinces membres de la FCFA. Et j'ai donné quelques entrevues déjà au Québec et du côté du Québec, les gens sont fâchés de la situation également et sont prêts à nous appuyer pour protester contre la décision. Est-ce que le gouvernement fédéral peut s'impliquer pour renverser la décision? Je sais pas à quel point, je ne crois pas, parce que le financement au niveau des collèges, universités, il y a de l'argent fédéral, on s'entend là-dedans. Mais il y a de l'argent de la province aussi, donc je ne sais pas exactement comment le financement fonctionne, mais le gouvernement fédéral ne peut pas s'ingérer pour imposer. Il peut certainement manifester son désaccord, et ça d'ailleurs, Mme Joly l'a fait hier, et puis a demandé à M. Scheer savoir comment il réagissait à cette attaque-là du gouvernement conservateur contre les francophones. Donc je pense pas qu'on va avoir de réponse. Mais je ne crois pas que ça peut que le gouvernement fédéral peut avoir un impact pour faire changer la décision. Nous, on va être derrière l'AFO, l'Assemblée de la francophonie de l'Ontario, pour aller au combat, puis essayer de garder nos acquis et vraiment bâtir un futur agréable pour tous les franco-ontariens. Parce qu'on est membre de l'Ontario, on est résident de l'Ontario avec tous les droits, et on est derrière vous pour combattre M. Ford, pour avoir nos acquis et un futur prospère. Bien, merci. L'Assemblée de la francophonie va exercer son leadership. Il s'agit de le faire de façon intelligente et stratégique, et c'est ce qu'on va regarder. Mais on va planifier une mobilisation. Et on va faire appel à toutes nos organisations, les organisations qui font partie de l'AFO, tous les francophones de l'Ontario, les francophiles, et puis nos amis francophones partout au Canada.